personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole France de Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Dans le cours que nous avons entendu hier, Mireille Delmas-Marty pensait la question des différences de rythme et de vitesse que l'on doit accorder à chaque pays afin d'harmoniser ses lois propres avec le droit international. Aujourd'hui, puisque l'enjeu de son cours est cette année de penser un pluralisme ordonné, Mireille Delmas-Marty décale en quelque sorte cette proposition d'asynchronie, pour reprendre son terme, afin de l'aborder d'un autre point de vue, celui d'un espace unifié comme, par exemple, l'espace européen. Pour Mireille Delmas-Marty, l'Europe est en effet un vaste laboratoire d'expériences inédites possibles qui tentent d'harmoniser leurs droits sans occulter les particularités de chacun des pays. Mieux encore, l'Europe tente également de respecter le rythme propre de chacun des pays qui la composent. Ainsi, les vitesses de transformation sont-elles à la fois respectées et accélérées? Mais l'Europe n'est pas l'unique exemple dans le monde de cette polychronie, comme dit Mireille Delmas-Marty. Certains dispositifs juridiques, comme les accords de Kyoto par exemple, sont également exemplaires de ce point de vue. Alors, avant d'essayer, ce sera l'objectif de cette présentation, de systématiser les conditions dans lesquelles la polychronie pourrait être l'un des instruments de l'ordre juridique, ce sera le dernier point. Avant d'en arriver là, il m'a paru utile de commencer par deux exemples, et non pas un exemple unique, parce que ça permettra mieux de saisir justement cette diversité des pratiques et en fait cette imprécision des concepts. Alors d'abord l'exemple européen des coopérations renforcées. Peut-être pas inutile d'ailleurs de se rappeler au moment où on parle tellement de l'Europe, un peu d'histoire. Car l'Europe s'est d'abord faite à petits pas, c'était d'ailleurs ce que la méthode dit Jean Monnet, mais petits pas, mais d'un même pas. Les pas étaient petits, mais c'étaient les mêmes. Quand l'Europe avait des ambitions limitées à l'intégration économique et quand géographiquement elle était circonscrite aux 6 pays fondateurs, en effet, les 6 pays avançaient au même rythme. Il semble que la rupture de rythme ait été provoquée par le double phénomène de l'élargissement dans l'espace à 9, 1973, 10 en 81, 12 en 87, 15 en 95, et 25 en 2004. Donc élargissement dans l'espace en même temps que approfondissement des politiques communes. Je vous rappelle que c'est en 1969, après deux usages du veto par la France, en 63 et en 67, que la démission du général de Gaulle a laissé le champ libre au nouveau président Pompidou pour accepter l'entrée du Royaume-Uni. C'est une date importante, c'est une bifurcation importante dans l'histoire européenne. Car à mesure que l'Europe va s'élargir encore à la plupart des pays scandinaves, puis à d'anciens pays communistes du centre et de l'Est, dont les objectifs sont principalement axés sur la construction d'un grand marché, donc différents de ceux des pays fondateurs, et dont les sensibilités, je dirais, sont globalement plus proches des États-Unis, eh bien l'hétérogénéité s'accroît, ce qui entraîne inévitablement soit un blocage, soit la nécessité d'une différenciation accrue, notamment dans le temps. Et c'est là qu'on va retrouver notre problème de la polychronie, Pour concilier l'élargissement et l'approfondissement des politiques communes, les premières réalisations correspondant à cette Europe à plusieurs vitesses vont apparaître en ordre dispersé, à la fois à l'intérieur du cadre communautaire et à l'extérieur. Et puis elles seront consacrées, encadrées en quelque sorte, par les traités eux-mêmes. Donc on a, on peut dire, de ce point de vue-là, deux étapes. Alors les premières réalisations, je rappelle qu'elles remontent aux accords de Schengen, 1985-1990. Bien que ces accords se situent en dehors des traités, on rappelle toujours, on le trouve encore indiqué dans le traité de droit pénal européen chez Dalloz, ces accords ne constituent pas une entreprise concurrente de l'Union européenne, mais un laboratoire. Ils emploient, les auteurs emploient cette expression, un laboratoire des travaux de l'Union, car seuls les États membres de l'Union peuvent devenir partie à la Convention de Schengen. Alors je rappelle les accords de Schengen, pourquoi le pluriel? On part en 1985 d'un accord conclu en effet à Schengen par 5 États, mais visant à supprimer progressivement le contrôle aux frontières. Cet accord de départ est complété par une convention d'application de 1990. Alors, entre les deux, il y a eu deux événements importants. C'est l'acte unique en 1986 et la chute du mur de Berlin en 1989. Donc la convention d'application est de 1990, quand on parle du dispositif Schengen, c'est l'ensemble des deux, qui comprend des mécanismes visant à renforcer l'intégration en matière de sécurité et ouvrant d'ailleurs aux autres États la possibilité de rejoindre le groupe. L'objectif est clair. Il s'agit de compenser l'abolition du contrôle des personnes aux frontières intérieures par un dispositif juridique commun qui comporte notamment la création d'un système d'information Schengen, SIS, et l'adoption de mesures. Alors des mesures qui sont un peu ambiguës parce que sous le nom de coopération judiciaire et policière, elles impliquent en réalité une certaine intégration. Il n'y a pas que de l'international, il y a du supranational. Par exemple, on étend la règle non bis in idem aux poursuites ou condamnations exercées ou prononcées dans un autre état du groupe. Un état A pourra prendre en compte les condamnations ou les poursuites d'un état B. Alors, par rapport aux autres états membres, ceux qui sont restés en dehors de Schengen, en dehors des accords, l'objectif, c'est bien d'accélérer, accélérer le processus d'intégration. Mais le contenu ne se limite pas à la question des vitesses, car le dispositif de Schengen introduit aussi une sorte de géométrie variable. D'abord, du point de vue géographique, l'accord a été conclu à 5 en 1985, la plupart des pays fondateurs, puis la convention d'application sera signée à 8 en 90, mise en œuvre à 10 à partir de 97, élargie à 13, à l'époque des 15, c'était à l'exclusion du Royaume-Uni et d'Irlande, et le degré d'intégration varie également à l'intérieur du groupe Schengen selon les opérations. Par exemple, en ce qui concerne les équipes conjointes qui mènent des opérations de police transfrontalières, eh bien la France refuse, à la différence de l'Allemagne, de reconnaître un droit d'interpellation aux agents étrangers. Donc on a une sorte de géométrie variable, en plus des vitesses multiples. Sur la question du droit d'interpellation, il y a d'ailleurs un récent avis du Conseil d'État du 25 novembre 2004 qui est publié au dernier rapport de 2005 du Conseil d'État. Alors, là on en est à l'accélération. Mais par la suite, on pourrait formuler les choses un peu autrement. Les accords de Schengen vont devenir un instrument d'anticipation. Pourquoi? D'abord parce que l'acquis de Schengen est intégré à l'Union européenne à partir du traité d'Amsterdam. Puis, il est imposé aux États candidats et annexé par un protocole au traité constitutionnel. Donc, il y a un effet d'anticipation sur l'ensemble du dispositif européen. Et puis d'autre part, l'anticipation vient aussi du fait que certaines parties des accords de Schengen ont vocation à s'étendre à tous les États membres. Par exemple, la règle non bis in idem a été reprise dans une proposition de décision cadre. Si la décision est adoptée, ça veut dire extension de cette règle à l'ensemble des États membres. Donc on peut considérer que le premier groupe d'États Schengen a en effet un peu fonctionné comme un groupe d'avant-garde, mais sans la signification permanente qui est donnée à cette expression par les responsables politiques comme le ministre allemand Fischer ou comme notre président français Jacques Chirac. Dans le prolongement du rapport Lammers-Schäuble de 1994, Fischer, vous le savez, a prononcé un grand discours à l'université Humboldt à Berlin en 2000, dans lequel il a très clairement souligné que la seule manière de concilier élargissement et approfondissement était d'admettre des différenciations. Mais il sépare ces différenciations en plusieurs étapes. Il proposait une sorte d'échéancier. Il commence à la première étape par décrire les coopérations renforcées comme devant être ayant vocation à être étendues à de nouveaux domaines, et il cite en vrac la protection de l'environnement, la lutte contre le crime organisé, les politiques d'immigration, d'asile et la politique de sécurité extérieure. Et puis, il voit les choses différemment. Dans un deuxième temps, il envisage la création d'un centre de gravité, mais ou d'un groupe d'avant-garde, mais permanent. Il parle d'un groupe de quelques États qui se constituerait en une avant-garde permanente pour la conclusion d'un nouveau traité qui serait ouvert aux candidats qui voudraient les rejoindre. Et il y voit le noyau d'une future fédération qu'il prévoit à la troisième étape. Le seul problème du schéma qu'il dessine ou du programme qu'il annonce, c'est qu'il brouille, me semble-t-il, un peu son message, en plaçant sur le même plan comme exemple de coopération renforcée les accords de Schengen et le modèle de l'union économique et monétaire. Or, ce second modèle, me semble-t-il, d'abord ne correspond pas, ça j'en suis sûre, au même groupe d'États, et d'autre part, il me semble qu'il n'a pas la même signification que les accords de Schengen, parce qu'en réalité, le mécanisme est inverse en quelque sorte. Il y a certains États qui ont renoncé à faire partie de l'union économique et monétaire organisée par le traité de Maastricht par auto-exclusion, comme d'autres États où les mêmes en partie renonceront plus tard à entrer dans l'espace euro. Donc ce n'est pas la même dynamique que Schengen. Le dispositif Schengen, au fond, on peut l'analyser comme une dynamique à vocation transitoire pour accélérer l'intégration, pour exercer une force d'attraction sur les autres, qui sont invités à rejoindre le groupe. Les Anglais disent « opting in », ils peuvent entrer dedans. Alors que les clauses d'auto-exemption ou d'auto-exclusion, on appelle « opting out », évoquent plutôt la dynamique inverse, à vocation dérogatoire et destinée à freiner l'intégration. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a une ambiguïté, il y a même une contradiction. « Opting in » et « opting out », ce n'est pas la même logique. Et cette ambiguïté, cette contradiction des premières réalisations de l'Europe à plusieurs vitesses aurait dû, me semble-t-il, inciter le législateur à clarifier la notion de coopération renforcée quand il a pris l'initiative de la consacrer. Alors si on regarde comment il a consacré cette notion, on est un peu déçu parce que l'ambiguïté subsiste en fait. C'est le traité d'Amsterdam qui va donc à la fois intégrer le dispositif de Schengen à l'acquis communautaire et consacrer la notion de coopération renforcée pour d'autres domaines que ceux réglés par Schengen. En fait, il s'agissait de contourner un éventuel veto britannique que l'on craignait à l'époque en permettant aux pays qui veulent aller plus loin ou aller plus vite, c'était l'expression de Jacques Chirac à ce sujet, d'établir entre eux un mécanisme de coopération renforcée, mais à l'intérieur même du cadre de l'Union, différence avec Schengen. Donc aller plus loin ou plus vite, mais à l'intérieur du traité de l'Union. À l'époque, c'était apparu comme une grande nouveauté, et quelquefois même présenté comme une révolution par rapport à la vision qui privilégiait l'unité communautaire. Néanmoins, ce mécanisme a été encadré de façon assez restrictive, sous l'influence, c'est un peu paradoxal, sous l'influence d'États comme le Royaume-Uni, qui pourtant était à l'origine de la demande de flexibilité, mais qui, en même temps, craignait l'effet d'attraction, donc d'accélération du processus d'intégration. D'où les conditions limitatives, comme par exemple la condition de la masse critique, au moins la moitié des États. Il faut faire une coopération renforcée selon le traité d'Amsterdam, au moins la moitié des États. La condition du dernier ressort, il faut démontrer qu'il est impossible de faire aboutir la décision par l'ensemble des États membres. Autre limitation, on exclut alors les affaires de ce qu'on appelait, de ce qu'on appelle encore le deuxième pilier, la politique étrangère et sécurité commune. Et puis, surtout, le traité reconnaît à tout État tenu à l'écart volontairement de la coopération renforcée un droit de veto, à tout le moins suspensif. En même temps, il fallait assurer le respect de l'acquis communautaire, donc les rédacteurs, n'ayant pas réussi à établir une liste positive ou négative des questions qui pourraient faire l'objet de coopération renforcée, ils ont dû prévoir un cadre très strict. Alors c'est extrêmement compliqué dans le traité. Il y a un certain nombre de règles communes qui sont à l'article 43, les 10 commandements de l'article 43, et puis il y a des règles propres à chaque pilier qu'on trouve dans les traités communautaires et dans le traité de l'Union. On exige, par exemple, que l'acte issu de la coopération renforcée n'affecte pas les politiques, actions et programmes de la Commission ou ne constitue pas une entrave aux échanges entre les États ou ne provoque pas de distorsion de concurrence. Donc, une complexité extrême. Alors, tout cela a été revu en 2000 par le traité de Nice dans la perspective de l'élargissement. On va faciliter un peu les coopérations renforcées à Nice en supprimant le veto, en fixant la masse critique d'État à 8, quel que soit le nombre total des États membres, et en assouplissant certaines conditions matérielles. On étend aussi à une partie de la politique étrangère à l'exclusion des activités militaires et de la défense. Mais le traité de Nice maintient l'exigence du dernier ressort. On pourra faire des coopérations renforcées que s'il est impossible de faire aboutir la décision par la voie normale. Et surtout, le traité de Nice exclut l'effet d'anticipation, c'est-à-dire qu'il précise que les actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre d'une coopération renforcée ne font pas partie, grande différence avec Schengen, de l'acquis de l'Union. Ce qui signifie que ces actes ne s'imposeront pas aux pays candidats. Alors, c'est difficile de dire quel sera l'impact de cette notion de coopération forcée, mais telle qu'elle est mollement, je dirais, encadrée, mais fermement limitée par le traité de Nice, elle n'exerce pas une très grande force d'attraction pour faire progresser l'Union européenne. Et d'ailleurs, tout récemment, je crois que c'était dans Le Monde du week-end, Daniel Vernès, qui s'interroge sur les conséquences de la non-française, n'avait pas l'air de penser que la voie des coopérations renforcées telle qu'elle est ouverte par le traité de Nice pourrait être facilement une solution. En tout cas, ce cadre, avec ses ambiguïtés, ses contradictions, explique peut-être aussi pourquoi les responsables politiques, notamment français et allemands, veulent se réserver d'autres possibilités pour aller de l'avant, y compris par des initiatives hors du cadre institutionnel de l'Union européenne, et c'est ce qu'on appelle les avant-gardes, les groupes pionniers, les centres de gravité. Alors, par rapport à tout cela, le traité constitutionnel, qu'est-ce qu'il fait ? Il maintient les coopérations renforcées, mais il ne laisse pas l'ambiguïté. Selon les commentateurs, elle reste conçue comme un mécanisme que certains ont appelé ni chien ni poisson, c'est l'article de Bribosia sur le sujet. Certains craignent que les coopérations renforcées perdent leur fonction d'anticipation par une avant-garde pour devenir simplement un substitut d'un vote à la majorité qualifiée, permettre de contourner l'obstacle du vote à l'unanimité. Donc une stratégie de contournement plutôt qu'une stratégie d'anticipation. Ça me paraît d'autant plus juste que le traité constitutionnel, l'article 43.4, refuse, comme avant lui le traité de Nice, de considérer les actes qui seraient adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée comme un acquis devant être acceptés par les candidats à l'adhésion à l'Union. Donc le mécanisme de Schengen n'est pas plus repris par l'actuel traité qu'il ne l'est par le traité de Nice. Au fond, si on examine l'ensemble du traité constitutionnel, on peut se demander si les mécanismes de différenciation de type accélérateur d'intégration qui ont vocation anticipatrice et transitoire, ne sont pas encore affaiblis au profit de mécanismes de type frein à l'intégration, dont la vocation est dérogatoire et permanente. On voit dans le traité apparaître des freins d'urgence, emergency brakes, qui vont permettre aux États membres de suspendre une procédure législative qui serait contraire au principe fondateur, proportionnalité ou subsidiarité. Il faut aller lire, pas seulement le traité, hélas, mais les protocoles qui accompagnent le traité, notamment le protocole sur l'application des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Ajouter au refus d'inscrire les coopérations renforcées dans l'acquis de l'Union, ces dispositifs devraient en réalité rassurer ceux qui craignent la prétendue rigidité du texte. En tout cas, il repose la question de savoir si l'objectif est vraiment d'accélérer l'intégration ou seulement de freiner une désintégration qui est déjà programmée par le traité de Nice. Alors, si on revient à la terminologie que j'évoquais au début, la différenciation dans le temps se rapprocherait ainsi progressivement peut-être davantage d'une formule à la carte que d'une véritable polychronie. Ce qui amène à réfléchir alors sur le deuxième exemple, qui est assez différent, comme on va le voir, au niveau mondial, l'exemple des responsabilités différenciées. Ne nous enfermons pas non plus dans le débat européen. À l'échelle mondiale, l'élargissement lié à la décolonisation, puis à l'éclatement des grands empires comme l'Union soviétique, l'élargissement, c'est un fait qui précède l'intégration normative. Alors, transposer la formule selon laquelle l'expansion de l'espace normatif et l'intégration de l'ordre appellent une différenciation dans le temps reviendrait à préconiser une large utilisation à l'échelle mondiale des ensembles à plusieurs vitesses. Or, du point de vue pratique, c'est très lentement et je dirais très prudemment que l'idée commence à percer, et seulement dans certains secteurs du droit international. Peut-être qu'il y a la crainte d'une désintégration d'un ordre mondial qui est à peine ébauché à l'heure actuelle. Ainsi, le concept de développement, droit du développement et droit au développement, aurait pu conduire par la voie d'une intégration normative à plusieurs vitesses. Mais, donc à des dispositifs à plusieurs vitesses. Mais le problème ne s'est pas posé en termes purement juridiques. Dans les années 60 ou 80, où le droit international du développement s'affirmait comme tel, les questions prédominantes étaient les tensions politiques et les déséquilibres économiques. Évidemment, le droit ne peut pas résoudre ça lui tout seul. C'est une évidence. D'autant que l'idée d'un double standard ou d'un droit international à deux vitesses entre en contradiction avec le principe d'égalité souveraine, et c'est pourquoi il était alors rejeté par tous, y compris les États les plus démunis. Ce qui fait que c'est dans le domaine apparemment plus neutre de l'environnement que l'on voit apparaître l'idée d'un ensemble normatif à plusieurs vitesses. D'abord, c'est exprimé par des concepts comme investisseur pionnier, c'est un terme qu'on trouve à propos de la gestion du fonds des mers. Mais c'est surtout la déclaration du sommet de la Terre à Rio en 1992 qui reprend l'idée avec la Convention cadre sur les changements climatiques, puis le protocole de Kyoto qui emploie, comme je l'ai dit, l'expression « responsabilité commune mais différenciée ». Alors, on sait que ces politiques climatiques posent des problèmes redoutables. D'abord aux scientifiques, nous avons eu un colloque principalement avec des scientifiques ici au Collège de France à l'automne, mais également aux économistes. Et mon collègue Henry avait souligné que la difficulté du point de vue économique, c'est le triptyque qu'il appelle irréversibilité, temps long et incertitude extrême. Alors, du point de vue juridique, on retrouve un peu le même triptyque, mais c'est organisé autrement. Je dirais que le couple irréversibilité-incertitude, c'est le fondement du principe de précaution conçu comme un principe d'anticipation. J'avais parlé de cela l'année dernière dans mon cours à propos des risques. Quant à la question du temps long, eh bien c'est précisément la réponse au temps long qui fonde peut-être le nouveau dispositif de la Convention cadre et du protocole de Kyoto, combinant une intégration normative différenciée dans l'espace et échelonné dans le temps, donc géométrie variable et plusieurs vitesses. La difficulté de départ, elle est assez clairement exposée dans le préambule. Pour tenir un contenu commun au concept de développement durable, qui est si important pour l'avenir, il faut tenir compte des disparités et des responsabilités passées des pays les plus développés. C'est pas pour autant qu'il faut renoncer au bien-être, disons, des générations futures, ni à la protection de l'écosystème. Alors en fait, l'exemple de Kyoto permet de repérer comment aménager toutes ces contraintes les unes par rapport aux autres, et il donne une idée des composantes d'un régime juridique à plusieurs vitesses qui, à la différence du système européen des coopérations renforcées, repose sur un échéancier prédéterminé avec des mécanismes d'accélération qui pourraient préparer ce qu'on appelle déjà l'après-Kyoto. Mais le dispositif Kyoto lui-même, on peut le présenter comme une sorte d'échéancier prédéterminé. Le préambule rappelle bien que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l'heure actuelle ont leur origine dans les pays développés. Il rappelle que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore faibles. Mais aussi que la part des émissions totales imputables aux pays en développement ira en augmentant, ne serait-ce que pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins en développement. Alors, ce rappel n'enferme pas pour autant l'analyse en une opposition binaire qui compliquerait en réalité les choses, qui conduira à l'affrontement des pays développés et pays en développement. Paradoxalement, il semble que l'accord de 92 sur la convention cadre ait été facilité parce qu'il y a une certaine diversité des intérêts nationaux. En fait, les États se sont partagés en plusieurs groupes qui ne recoupaient pas la division traditionnelle nord-sud, mais qui illustraient l'apparition d'intérêts particuliers et sectoriels. Alors, il y avait les pays de l'OCDE qui, pour la plupart, étaient favorables à la limitation des gaz à effet de serre, des émissions, mais à l'exclusion des États-Unis qui, eux, refusaient d'être assujettis. Il y avait les pays producteurs de pétrole qui refusaient aussi, mais pour des raisons différentes. Les pays en développement qui ne voulaient pas renoncer à utiliser certaines sources d'énergie. Mais parmi eux, il y a les pays insulaires et les pays à côte plus basse qui craignent les conséquences plus rapides chez eux de changement climatique. Les pays ayant des zones sujettes à la désertification ou des zones de forte pollution ou des zones montagieuses plus sensibles. Donc il y avait une division extrêmement complexe. Et si vous regardez la liste de l'article 8, petit a à petit i de la Convention cadre, vous aurez une idée de cette diversité qui peut-être a facilité la discussion parce qu'elle évitait un affrontement de deux catégories, un affrontement binaire. En tout cas, cette diversité a permis l'originalité d'un dispositif qui combine un objectif commun, responsabilité commune, avec des pratiques différenciées, responsabilité commune mais différenciée, dans l'espace et dans le temps. Alors on a un premier échéancier dans la Convention 4, c'est l'article 4, qui prévoit des engagements généraux applicables à tout le monde, mais qui ajoute pour les pays développés et en transition, qui sont partis à la Convention, une obligation spécifique de ramener les émissions au niveau de 1990. Alors, pour ces pays qui sont présentés, on emploie les mots, c'est les mêmes mots qu'en Europe, comme une avant-garde de la lutte contre les changements climatiques, l'échéancier est précisé par le protocole de Kyoto qui fixe les quotas à chaque pays par référence à ses émissions en 90, moins de 5% par rapport au niveau de 90 pour la période 2008-2012. C'est pas tout de suite, c'est 2008-2012, moins de 5%. En revanche, les pays en transition, se voient reconnaître une certaine latitude, dit le texte, dans la limitation de leurs émissions, notamment ce qui concerne le niveau historique qui sera choisi comme référence et qui peut être fixé à une autre année que 1990. Donc il y a une latitude et il n'y a pas un échéancier précis. Ce qui fait qu'on se pose dès à présent la question de l'après-Kyoto et des mécanismes accélérateurs de l'intégration normative après Kyoto. Alors on aurait pu croire que les choses aillent plus vite au moment de la conférence sur le climat qui s'est tenue à Buenos Aires en décembre dernier, parce que la Russie venait de ratifier le protocole de Kyoto, ce qui a permis, comme vous le savez, l'entrée en vigueur du dispositif en février 2005. Mais on le savait évidemment déjà à Buenos Aires en décembre. On pouvait espérer que ça faciliterait la renégociation de l'après-Kyoto, mais il n'en a pas été ainsi. Les pays en développement n'ont pas accepté l'ouverture de négociations pour prendre des engagements après 2012, et les États-Unis ont appuyé leur position. Alors, face aux nécessités pressantes qui sont mises en évidence par les experts, il y a tout de même des mécanismes qui, sans attendre 2012, peuvent faciliter à la fois la mise en œuvre du dispositif de Kyoto et une certaine accélération. Donc, il y a déjà des mécanismes d'accélération. Alors, d'abord, les mécanismes du marché eux-mêmes, qui sont définis par le protocole. J'avais assez longuement présenté ces questions l'année dernière au cours. Il n'y a pas seulement l'échange de permis d'émission qui est la base même du dispositif. Vous savez qu'on autorise un pays qui a atteint son objectif à vendre son surplus de droits de polluer à un autre qui ne l'aurait pas atteint. Ça, c'est le système de l'échange des permis d'émission. Mais il y a aussi un système d'application conjointe. Un pays peut obtenir des crédits d'émission de gaz au titre d'un investissement physique, en quelque sorte, comme la modernisation d'une usine, par exemple, qu'il réalise dans un autre pays de la même catégorie, auquel il permet ainsi de réduire les émissions de gaz. Il y a un accord France-Roumanie qui se situe dans ce cadre. Et puis il y a encore un troisième mécanisme de développement propre qui permet l'échange d'une aide technique contre un crédit d'émission. Et cette fois, c'est une relation entre un pays industrialisé et un pays non industrialisé signataire du protocole. Par exemple, il y a un autre accord entre la France et l'Argentine. Il faut ajouter à cela d'autres mécanismes d'accélération. Quand les mécanismes du marché ne fonctionnent pas, à l'intérieur du cadre juridique international, ils peuvent fonctionner à l'extérieur, y compris dans les pays qui n'ont pas ratifié le protocole. J'en avais dit un mot l'année dernière. Aux États-Unis, se sont mises en place des bourses d'échange volontaires, comme le Chicago Climate Exchange, qui sont d'ailleurs relayées par des engagements pris dans certains États fédérés. Il y a à l'heure actuelle 9 États du Nord-Est qui se sont engagés à fixer en avril 2005 un objectif chiffré de réduction des émissions des centrales situées sur leur territoire. Autrement dit, vous voyez à quel point toutes ces questions s'enchevêtrent. L'effet d'accélération, donc sur les vitesses, peut être favorisé par la diversification des niveaux d'organisation. C'est une manière juridique d'articuler l'espace et le temps. L'accélération peut en effet venir du niveau infranational des États fédérés aux États-Unis. Elle peut venir aussi du niveau régional. Alors, quand une région est composée d'États qui n'ont pas tous ratifié le protocole de Kyoto, l'effet d'accélération est indirect. C'est le cas pour l'ALENA en Amérique du Nord. Le Mexique et le Canada ont ratifié Kyoto, mais pas les États-Unis. Malgré tout, l'ALENA a un effet d'entraînement indirect sur les États-Unis. Alors, c'est encore plus simple dans une région comme l'Union européenne, où tous les pays membres ont ratifié Kyoto, parce que là, on a pu adopter la fameuse directive de 2003 qui anticipe sur les engagements de Kyoto, donc qui accélère encore le processus par rapport à l'engagement de Kyoto pour tous les États membres. Ces mécanismes extrêmement complexes, comme vous pouvez le voir, devraient sans doute être utilisés dans d'autres domaines que le droit de l'environnement et notamment en droit du commerce, où on commence à se poser la question. Ainsi, l'organe d'appel de l'OMC dans l'affaire récente jugée en avril 2004, vous avez la référence dans la note, Inde contre Communauté européenne, pose la question à propos des conditions d'octroi des préférences tarifaires aux pays en développement. C'est indirectement une question qui est posée, mais à l'échelle globale. Alors, ce qui m'amène moi-même à élargir mon propos et à évoquer quelle pourrait être la relation entre ce phénomène que j'ai décrit comme polychronie et la constitution d'un ordre juridique. Comment la polychronie peut-elle se conjuguer avec un ordre juridique tel que nous l'imaginons, tel que nous le représentons traditionnellement? C'est une question qui n'est pas évidente, qui avait été d'ailleurs soulevée par Pascal Lamy à l'occasion du débat sur les coopérations renforcées. C'est le document que j'ai cité au tout début de la lettre des Européens de 1996. Pascal Lamy avait ouvertement posé la question de la compatibilité avec la construction juridique. Il se demandait s'il était possible de faire du droit avec ce type d'espace flexible à géométrie variable et à plusieurs vitesses. En même temps, il avait une crainte plus politique, c'était que trop de flexibilité n'aboutisse à renforcer le contrôle des juges par rapport à la commission. Mais il avait ouvertement demandé s'il ne convenait pas de limiter l'usage de ces instruments de flexibilité aux domaines non régis par le droit. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins des domaines non régis par le droit. Le droit envahit à peu près tout l'espace. Ce qui fait que près de 10 ans plus tard, c'était un débat organisé en 1996, près de 10 ans plus tard, il est clair qu'une telle limitation est impossible. Car la polychronie comme la géométrie variable sont désormais consacrées par des dispositifs juridiques. Et alors, loin d'être cantonnés à des cas isolés, ceux que j'ai étudiés un peu plus en détail, il semble que les pratiques aient vocation à s'étendre. Il semble qu'on ait tendance à étendre les dispositifs à plusieurs vitesses au-delà de la construction européenne et au-delà du droit des changements climatiques, ce qui évidemment pose la question d'un futur encadrement juridique. Alors, d'abord, quelques mots sur l'extension des pratiques. L'extension semble observable à tous les niveaux d'organisation normative. Au niveau régional, cette notion qu'on a testée en Europe, et qui reste d'ailleurs ambiguë, comme nous l'avons vu à l'échelle européenne, elle commence à intéresser d'autres organisations régionales, y compris une organisation comme l'ALENA, qui est pourtant limitée à 3 partenaires, mais qui s'intéresse à ce concept. Il y a eu récemment, je crois que c'était dans Le Monde du mois de mars, l'annonce d'un accord de coopération renforcée au sein de l'ALENA, parce que l'hétérogénéité des intérêts dans certains domaines appelle des constructions à plusieurs vitesses dans ce cadre et dans d'autres cadres régionaux encore. Quant à la question au niveau mondial, elle commence à apparaître en droit du commerce très indirectement avec cette clause d'habilitation qui était en cause dans l'affaire Inde contre Communauté européenne, qui permet l'octroi de préférences tarifaires, donc à traitement différencié pour les pays en développement. À l'occasion de sa décision d'avril 2004, l'organe d'appel a fait une présentation historique de cette clause, qui n'est pas inintéressant comme rappel, tout en confirmant son statut particulier dans les accords du commerce. Alors, ce que rappelle l'organe d'appel en 2004, c'est que quand le GATT est entré en vigueur en 1947, les parties ont déclaré que l'un des objectifs était le relèvement des niveaux de vie, mais en précisant que cet objectif devait être atteint, quel que soit le stade de développement économique, au moyen d'engagements universellement appliqués. Donc il y avait l'idée de ne pas différencier les mêmes engagements pour tout le monde. Toutefois, une décision de 71 permet déjà de déroger à ce principe en autorisant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement pour une période de 10 ans. Ça sera confirmé en 79 par cette clause d'habilitation, c'est l'expression consacrée, qui élargit l'autorisation donnée en 71 et qui permet des mesures préférentielles additionnelles. On en fait en fait une caractéristique permanente du GATT. Alors tout cela sera repris au moment de la création de l'OMC en 1994. Les États ont réaffirmé l'importance de cette clause en l'incorporant dans le nouvel accord. Et la relation entre commerce et développement, en particulier grâce à cette clause, est présentée désormais comme un élément essentiel du programme de travail de l'OMC. C'est répété par exemple à la conférence de Doha en 2001. Alors, bien sûr, il s'agit encore d'une exception, notamment du point de vue du droit de la preuve. Mais en même temps, les États membres sont encouragés à utiliser l'exception. Ils sont encouragés à s'écarter de l'article 1er pour accorder un traitement différencié plus favorable aux pays en développement. Et du coup, l'organe d'appel, il essaye d'encadrer juridiquement l'usage de cette clause. Il essaye d'éviter les risques de dérive qui sont liés à une sorte de tentation pour les pays développés de réserver les préférences à certains pays en développement et de les refuser à d'autres. Ce qui veut dire en réalité une sorte de recours indirect à des négociations bilatérales plus sensibles aux tendances hégémoniques. Dans l'affaire Inde contre Communauté européenne, ce que l'Inde contestait, c'était l'octroi de préférence à d'autres pays en développement, et notamment d'ailleurs au Pakistan. Donc il y avait une dimension géopolitique en même temps. Alors si la diversité, à tous égards, politique, culturelle, économique, qui est observable entre les différentes parties du monde, justifie sans doute l'extension et la diversification de ces pratiques à plusieurs vitesses, que je propose de nommer polychronie, elle nécessiterait, pour éviter les dérives, un nouveau type d'encadrement juridique. Et c'est à cela que je voudrais revenir maintenant, à la nécessité d'un encadrement juridique, mais adapté à ce concept d'espace à plusieurs vitesses. Au fond, l'idée de départ, telle que je vous ai présenté la question, c'était que la polychronie devait favoriser le pluralisme, puisque la polychronie évite d'imposer à tous le même rythme, le même tempo. Mais l'observation des pratiques, à travers les quelques exemples que nous venons de voir, montre que la polychronie peut aussi conduire au désordre et à l'arbitraire, si la formule à plusieurs vitesses devient synonyme d'une conception à la carte. Alors comment faire pour éviter ces effets pervers? Probablement, il faudrait aller dans le sens d'un renforcement de ce qui est déjà plus ou moins testé dans les différents exemples que j'ai cités, c'est-à-dire un renforcement des conditions d'habilitation et d'un encadrement des effets d'anticipation. On s'est interrogé, une fois de plus en Europe, sur ces questions après le traité d'Amsterdam, parce qu'on s'est demandé si les dynamiques mises en place avec le traité d'Amsterdam, qui renforce donc beaucoup la flexibilité, ne risquaient pas de devenir synonyme de désintégration. Et à l'époque, il y a eu pas mal d'échanges en doctrine pour essayer de systématiser les conditions et les effets liés aux nouveaux instruments juridiques d'Amsterdam. Alors, il y a un article qui a été publié en 2000, mais qui est très fréquemment cité comme une sorte de cadre juridique de référence, qui est l'article d'Alexander Stubb que vous avez dans la fiche, qui est un article en anglais. Il propose de distinguer des formules à la carte, d'une part les clauses d'habilitation, qu'il appelle « enabling clauses », qui définissent des conditions préalables mais qui ne précisent pas les effets, et d'autre part, les clauses prédéfinies, qu'il appelle predefined flexibility, qui déterminent les effets, mais sans revenir sur les conditions. Alors, le problème, c'est qu'il présente cette dualité comme une alternative. Moi, il me semble qu'il faut utiliser les deux. C'est-à-dire que si on veut ordonner le pluralisme, conditions et effets doivent non pas alterner, mais se combiner et se renforcer mutuellement. Autrement dit, pour contribuer à l'intégration et éventuellement préparer un élargissement, l'encadrement juridique devrait comporter à la fois une définition des clauses d'habilitation pour les espaces à plusieurs vitesses, aussi objective que possible cette clause, et puis une prédétermination des effets pour vérifier que l'effet est bien un effet d'accélération ou d'anticipation. Alors les clauses d'habilitation, si elles sont bien motivées et construites, elles permettraient d'encadrer juridiquement et pas seulement politiquement les différenciations. Mais il faudrait qu'elles soient assez précises pour ne pas confondre les mécanismes d'anticipation, comme les coopérations renforcées du système Schengen au départ, et les mécanismes de dérogation, les clauses qui permettent de sortir d'un ensemble commun, ou le traitement différencié qui permet les préférences tarifaires selon le droit de l'OMC. Dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse d'anticipation ou de dérogation, il faut des critères objectifs pour systématiser, au fond, la pluralité des échelles de temps. Il faut arriver à faire entrer dans le langage juridique, par des critères objectifs, l'idée d'une pluralité d'échelles de temps. Alors, c'est un peu ce que fait de façon encore trop imprécise, le traité constitutionnel, à l'article 43, il reprend en partie les textes antérieurs. Il précise, par exemple, que les coopérations renforcées doivent favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, préserver ses intérêts et renforcer son processus d'intégration. Et il précise qu'elles seront ouvertes à tous les États membres. De même, pour le droit du commerce mondial, dès la décision de 1979, il était précisé que la clause d'habilitation doit être conçue pour faciliter et promouvoir le commerce des pays en développement et non pour élever des obstacles ou créer des difficultés indues. Et en 2004, l'organe d'appel de l'OMC rappelle que les États sont encouragés à utiliser cette clause, mais dans un but précis, en vue d'aborder un traitement différencié plus favorable aux pays en développement. mais uniquement dans la mesure où cet objectif est conforme aux prescriptions de la clause. Alors, en définitive, dans l'affaire de 2004, la décision de l'organe d'appel met en cause le régime européen, concernant les drogues en l'occurrence, non pas parce qu'il différencie la situation de certains États en développement par rapport à d'autres, ça on accepte la différenciation, mais parce qu'il établit une discrimination qui n'est pas fondée sur des critères objectifs clairs. Autrement dit, la discrimination serait acceptée si elle était fondée sur des critères objectifs clairs, applicables à d'autres pays de la même catégorie. Et puis, les communautés sont condamnées aussi parce que le dispositif européen ne prévoit pas de procédure d'évaluation. Donc, pas d'objectif clair, pas de critère objectif clair et pas de procédure d'évaluation de l'efficacité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'heure actuelle, on débat de ces questions à l'OMC. À l'occasion du 10e anniversaire, il y a des sessions successives. Il y a eu une session en Italie en mars dernier. Il y en a une le mois prochain au Brésil pour réfléchir sur l'évolution du droit de l'OMC. Et dans les documents de travail, je vous ai mis quelques références dans la fiche, dans les documents de travail qui ont été discutés, par exemple, à Stresa en mars 2005, certains auteurs disent qu'il faut abandonner la formule du tout ou rien et qu'il faut introduire plusieurs échelles de temps. Alors, il propose une échelle propre à certains domaines, c'est-à-dire aller plus vite dans les domaines déjà structurés, mais aller plus lentement dans les domaines qui sont au début de leur encadrement juridique, par exemple le droit des investissements ou de la concurrence. Donc, une échelle propre au domaine du droit concerné. Et puis, une autre échelle de temps qui serait propre à certains États. Et là, on retrouve le problème du traitement des pays en développement. Et expressément, l'auteur de l'un des documents de travail que j'ai cité, Hofst et Essermann, propose la formule des vitesses multiples, different time clocks, comme moyen pour éviter d'enfermer en fait les pays en développement dans une sorte de ghetto. Ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations, mais ils ne participent pas véritablement, ils n'influencent pas les négociations. Donc à travers la formule des vitesses multiples, ils pourraient participer pleinement au débat et s'engager selon leurs moyens et selon leurs capacités. Alors je pense que c'est une stratégie intéressante, il faut voir ce qu'on va en faire, à condition en même temps qu'elle prépare bien une anticipation et non pas une dérogation, c'est-à-dire à condition que la réflexion sur la clause, les conditions d'habilitation, s'accompagne d'une réflexion sur les effets, voire même d'un échéancier. Alors en ce qui concerne, c'est le dernier point, la réflexion sur les effets, elle a surtout été développée à propos des changements climatiques pour les effets prédéterminés. J'ai parlé de cet échéancier qui devra être renégocié au cours du temps. Il a été négocié pour la période 2008-2012. Il faudra le renégocier pour 2012-2020. Mais il y a aussi une autre formule, parce qu'au fond, dans Kyoto, les effets sont prédéterminés par le texte. Il y a une autre formule, c'est la formule de Schengen, qui consiste à laisser un espace à plusieurs vitesses s'expérimenter et ensuite déterminer les effets a posteriori par une clause d'intégration, quand on a intégré Schengen au dispositif, à l'acquis communautaire. En revanche, les clauses, à mon avis, qui sont à éviter, c'est les clauses du type de celles qui se trouvent dans le traité de Nice et qu'on retrouve malheureusement dans le traité constitutionnel, qui refusent de considérer les actes adoptés au titre des coopérations renforcées comme un acquis qui devrait être accepté par les candidats à l'adhésion. Donc on crée une sorte d'ambiguïté par ce type de clause. On peut se demander du coup si les coopérations renforcées ne visent pas seulement à protéger les États qui ne peuvent pas s'intégrer, ceux qui ne veulent pas s'intégrer, mais est-ce qu'on n'essaye pas aussi de donner raison, donner des satisfactions, en tout cas, aux États qui ne veulent pas d'intégration du tout, aux États qui craignent la force attractive d'un processus qui se développerait sans eux. Alors, si c'est l'interprétation qui prédomine, le risque, puisque les coopérations renforcées ne verront pas leur acquis inscrit dans le texte communautaire, j'allais dire, bien que le mot communauté soit un peu effacé maintenant dans le texte de l'Union, le risque, c'est de susciter des initiatives hors traité, avec désintégration de l'Union et réintégration ailleurs. Mais ça suppose beaucoup de lenteur et beaucoup de complexité. Alors, pour conclure sur cette question des espaces à plusieurs vitesses, je dirais que le travail que nous venons d'essayer de faire ensemble sur le temps normatif, dans ces deux chapitres, dans ces deux développements sur les vitesses, asynchronie et polychronie, c'est un travail qui est nécessaire, sans doute, mais qui ne doit pas être isolé d'une réflexion sur l'ordre à géométrie variable et sur l'espace à plusieurs niveaux. Autrement dit, pour que la polychronie favorise une synchronisation pluraliste des divers ensembles, il faut une réflexion globale. Même si les pratiques sont quelquefois mêlées, moi j'ai essayé de présenter les mouvements de façon dissociée, c'est-à-dire en dissociant les processus de mise en ordre, dans l'ordre normatif, les niveaux d'organisation, l'espace normatif, et les vitesses d'évolution, le temps normatif. Or, l'objectif de ce cours, je l'ai annoncé au tout début, c'est d'ordonner le pluralisme. Ce n'est pas seulement d'accepter un pluralisme de juxtaposition, c'est de faire un ordre juridique avec tout cela. Donc, je crois qu'il faudra essayer de passer de la dissociation aux corrélations. C'est-à-dire repérer les dispositifs juridiques qui pourraient assurer, en présence de mouvements qui sont très chaotiques finalement, intégration, désintégration, internationalisation, renationalisation, synchronisation, désynchronisation. Donc en présence de mouvements chaotiques, il faut voir comment il est possible, s'il est possible et comment, d'assurer un équilibre pluraliste qui pourrait annoncer alors sans doute la transformation du concept même d'ordre juridique. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui. Le Collège de France avec Mireille Delmas-Marty. Présentation Christine Goémé. Réalisation Jeanne Cherquefos. France Culture. Qu'est-ce que c'est ? Un disque. Combien coûte ce disque ? La radio est une voix qui parle à une oreille. Écoute, ça. J'écoute France Culture. La radio bouge, la radio n'est qu'au mouvement. Sa seule voix, la voix. Attention, Sunset by Postal, France Culture. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture.